Je fais ça tout en noir, avec un cigare Cohiba, je me gare en bas chez toi. Et ouais, comme si c'était la fin de monde au véritable. On est toujours dans les tiers, 30 pas dans nos bails. Ça pourrait coûter un bras. Je suis dans l'hélico, ça bouchonne dans Paris Saint, ça se met des coups d'épaule. Tu vas encore devoir changer ton fusil d'épaule. Et quand ça voit l'équipe type, ça dit plus un mot que des barigots. Audemars Piguet, j'ai que t'es piqué. Elles ne veulent pas d'un loser. J'ai confiance en mes gars, ça veut me faire teaser des bails, non vous ne m'aurez pas. J'aperçois Monsieur Girac dans sa caravane, je suis entouré de carabas. Je suis dans l'extrême, Val-de-Marne, la Loire, les Hauts-de-Seine. J'observe de tout là-haut, t'inquiète, RAS que des drapeaux. SOS, c'est le fuego. Oh, Audemars Piguet, j'ai que t'es piqué. Elles ne veulent pas d'un loser. Les stars, faut que je parte avant qu'ils baissent les stars. C'est le fuego. Je peux pas rester trop tard. Tu sais ce que c'est. Les stars, faut que je parte avant qu'ils baissent les stars. C'est le fuego.